La clinique noire. Plan de merde, ronchonna X, tandis que Ruby approcha le rasoir électrique. La jeune femme grimaça de douleur lorsqu'elle se pencha vers l'avant, son maquillage couvrant à peine l'œil au beurre noir, les éraflures, les ecchymoses. Le rasoir bourdonnait dans les mèches noires. Une à une, elles chutèrent sur le plancher carrelé comme des plumes. Nilsin et Svet étaient adossés au mur de la salle d'opération, tandis que Hans était assis sur une civière, coton ouaté entr'ouvert sur son torse nu et rachitique, son épaule fraîchement pansée. Ils étaient dans une clinique noire, illégale. Les tubes fluorescents grésillaient, éclairant les murs ternes. L'inventaire dilapidé de fournitures médicales, les instruments baignant dans un bocal d'alcool frelaté. Dans un coin, un seau d'étain récoltait les gouttes d'eau qui coulaient du plafond fissuré. La salle d'opération improvisée était isolée du reste de la clinique par un rideau en bandelettes de plastique transparent, souillé par la graisse, le sang séché et la moisissure. La clinique avait été installée dans une ancienne boucherie, ce qui ne l'éloignait pas tellement de sa première vocation. Lorsque les antibiotiques de contrebande ne faisaient pas effet ou qu'il n'y en avait simplement pas cette semaine-là, c'était au tour des scies et les drains enchâssés dans le plancher s'avéraient particulièrement utiles. Il y avait une poignée d'endroits, comme celui-ci, dans les ghettos, où allaient les innombrables victimes de la civilisation industrielle. Celles qui ne pouvaient pas payer pour voir un médecin, qui n'avaient pas de papier ou qui étaient recherchées. Récemment, de plus en plus de cliniques noires s'installaient dans les anciennes morgues pour leur incinérateur. Ruby essayait d'éviter celle-là. Est-ce qu'on est certain que ça va fonctionner? Osa Nilsin, de l'autre bout de la pièce. Notre Edge! Lança X sarcastiquement. Hein, Hans? Tiens, je parie ma tête que ça marche. Sur un plateau en acier, gisait l'implant cybernétique, le prototype Endymion, dernier cri en cyberware. Une minuscule puce en silicone, avec ses nanocircuits, rattachée à une prise quasiment primitive, un simple jack standard. J'ai peine à croire qu'on est rendu jusque-là, avoua Nilsin. Ruby déposa le rasoir électrique, enchaînant avec la crème à barbe et la pioche. Un hostie de miracle, remarqua-t-elle. Le dernier coup maintenant. La phase finale, précisa Svet. Phase finale, reprit X, fébrile, la tête enduite de crème à raser. J'aime comment ça sonne. Das Ende vom Ende. En plus, Moll vient d'être libéré en attendant son procès. On gagne un camarade de plus. Quel timing! Impeccable. Mais est-ce que vous êtes certain que ce cossin-là va fonctionner comme prévu? Demanda Nilsin. Vous l'avez quand même shaké pas mal fort? C'est à ce moment que débarqua Sam, le chef de la clinique. Il apparut à travers les bandelettes de plastique, sa roue ternie par l'usage, un tablier taché d'immondices. Dans une main, le vieillard tenait une bonbonne d'anesthésiant et dans l'autre, une bouteille de vodka. Il sentait le formol et le tabac. « Sam ?» salua Nilsin amicalement. « Camarade !» lança l'autre, en avalant une gorgée au goulot. Lorsque les autres le fustigèrent du regard, il haussa les épaules en précisant « Pour mes nerfs !» Alors, vous voulez vraiment faire ça ?» Tandis que Ruby achevait de lui raser le crâne, extendit l'enveloppe, épaisse de liasses, au clinicien clandestin. « Allez, Doc !» commença X. « Bring it on !» Dis-moi seulement que t'es diplômé et tout avant de m'ouvrir la tête pour me... driller cette cochonnerie dans le cortex. « Vétérinaire !» précisa Sam en prenant l'enveloppe. « Mais j'ai déjà planté de la quincaillerie du genre. « D'accord. Pas ce modèle-là. bout de vierge. Ce gadget-là, ça chaîne, hein? Jamais vu. Mais c'est le même principe. En théorie. Quoi? Je vais faire de mon mieux, t'inquiète. Un silence de mort s'abattit sur la salle d'opération. Un fucking vet? Échappa Ruby, impuissante. X fustigea Sam du regard, puis Ruby et tous les autres un à un. Hans inspira pour parler, ne trouvant pas les mots. Encore le vertige. Mais il n'y avait pas d'autre avenue. Toutes les routes, les plans à l'intérieur des plans, toutes les variables possibles convergeaient au même point, inexorable, implacable. Ce sacrifice simultanément injuste et nécessaire. Le regard d'X croisa le sien pendant un bref moment. D'un seul clignement d'œil, l'expression du nihiliste mua de la haine à la compassion, puis de la compassion à l'humour, les yeux soudainement envahis de larmes. Ruby lui tendit une main. X la prit, d'un abandon désespéré, l'embrassa, la serra contre sa joue. Ria-t-il d'une voix tordue. Bien, il faut ce qu'il faut, non?